une belle monster. J'roule dans un monster. Je suis fâché avec la vie. J'suis devenu un monster. J'vais au studio pour faire des sous. J'fais de la musique de monster. J'essaye d'être un homme meilleur. J'suis mon propre adversaire. J'ai fait mille fois le tour du game. C'est tous des merdes. J'ai qu'un frère d'une autre mère. Il vient d'outre-mer. Un dernier million et j'me bats. Frérot, j'les supporte plus. Je rêve d'anonymat, je peux être une star comme n'importe qui. J'arrive de la France poubelle, je vois trop j'étais un maître. Ici personne nous aime, j'ai tout qu'est des orphelins. Dans nos vies y'a pas de stress, quand on se retrouve au hush. C'est la République française qui nous envoie des lettres. Je filme de la monster, je roule dans un monster. Je suis fâché avec la vie, je suis devenu un monster. Je vais au studio pour faire des sous. Je fais de la musique de monster. J'essaye d'être un homme meilleur. Je suis mon propre adversaire. Je suis lancé dans le rap. On peut dire j'ai eu ma chance. J'étais prêt à sortir une arme dans un bureau de change. J'habille trash ou belle. Selon l'angle de vue, j'ai écrit la chatte à ta mère sur le mur de la garde à vue. J'ai rendez-vous avec l'ange de la mort. J'ai prié pour mes frérots à la mort. Parle avec moi, que pour des grosses sommes. Je vois tes conseils, je veux une boussole. Elles veulent des grosses CC. Sur mes épaules mes péchés. Jusqu'à la mort, lourd comme un coffre fort. Plein de lingots d'or. Chemise blanche, je sors. Je rentre taché de rouge. On tourne. Toute la nuit en Porsche Caillou. La vie c'est pas facile frérot si tu savais. En France j'avais pas le choix alors je vis crapé. La vie c'est pas facile frérot si tu savais. Au plaid j'étais posé, scrum plus le cabaret. Plus le cabaret, scrum plus le cabaret. J'ai confiance en personne pas loin le carabine. J'filme de la monster. J'roule dans un monster. Je me suis fâché avec la vie. Je suis devenu un monster. Je vais au studio pour faire des sous. Je fais de la musique de monster. J'essaie d'être un homme meilleur. Je suis mon propre adversaire.